Il faut attendre. Extrait des Petits Contes alsaciens, écrit par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Ils venaient de loin, les pauvres petits, c'était facile à voir. Ils devaient être partis de chez eux avant le jour, car lorsque je les aperçus pour la première fois, harassés, poudreux, blottis sur un banc de pierre, le plus jeune endormi sur les genoux de sa sœur, 7 heures sonnaient à l'horloge de l'église. Tout autre jour que celui-là, je n'aurais pas manqué de lier conversation avec eux, car j'aime à me rendre compte des choses, et je ne me souvenais pas de les avoir jamais vus chez nous, mais j'étais trop agitée, comme tout le monde d'ailleurs. D'un moment à l'autre, on attendait un détachement de soldats français. Les Allemands étaient partis le matin même pour repasser la nouvelle frontière qui est, hélas, à 1 heure de notre village. On avait arboré partout des drapeaux tricolores. On ne pouvait pas demeurer en place. On allait, on venait, on se prenait les mains, on se disait de bonnes paroles. Le vieux Siebold avait arrêté Peter Hans au coin de l'église et lui avait dit devant 20 personnes « Peter Hans, il n'y a pas de rancune qui tienne un jour comme celui-ci. » Oui, il avait dit cela. Et cependant, il était têtu, le père Siebold. Mais la joie vous grisait ce matin-là et vous faisait faire des choses extraordinaires. On entendait dire à droite et à gauche, ces fameux « Enfin, nous voilà maîtres chez nous, respirons !» Il y en avait bien quelques-uns qui, par-dessus l'épaule, désignaient avec leurs pouces le côté de la frontière et disaient « Jésus-Maria et les pauvres gens de par là !» Alors, pour un moment, on baissait la voix, mais la joie d'être délivré reprenait le dessus. Et on se promenait de long en large en attendant. Enfin, le guetteur du haut du clocher se mit à crier en faisant de ses 2 mains un porte-voix. « Les voilà !» Il y eut dans la foule un « Ah !» prolongé. Puis les plus forts bousculèrent un peu les autres pour courir du côté de la grande route. C'était à qui apercevraient les soldats le premier. Il y avait si longtemps que nous n'avions vu des képis et des pantalons rouges. Ah, les voyez-vous ? Cria tout à coup le père Mauser en tremblant de tous ses membres et en s'appuyant des 2 mains sur son bâton. Père Mauser, essuyez vos lunettes, dit Peter Hans de sa grosse voix de chantre. Et tout le monde se mit à rire. Le père Mauser avait pris pour des soldats les garçons de l'école qui accouraient dans la poussière de la route. De jolis soldats, ma foi, qui criaient comme des fous en faisant la roue. Pourquoi riait-on? Car au fond, on n'avait pas envie de rire. J'ai souvent remarqué cela. Quand on attend depuis longtemps quelque chose et que l'impatience vous prend, on devient tout excité. Et pour un rien, on rit. Ou bien on se fâche sans raison. Heureusement, ce jour-là, on ne se fâchait pas. Tout d'un coup, une idée me traverse la cervelle. La vieille Gretel, celle qui tient mon ménage de garçon, est curieuse. Si elle allait abandonner sa cuisine pour venir voir comme les autres, et si elle allait laisser brûler le déjeuner, cela lui arrive quelquefois. Les jours ordinaires passent encore. Mais un jour comme celui-ci, où j'attends à déjeuner monsieur le maire et le commandant du détachement, c'est un honneur cela, mais c'est aussi une grande responsabilité. J'eus comme un frisson dans le dos et la sueur me perla sur le front. J'avais le temps d'y courir, j'y courus, et comme je revenais tout essoufflé, j'entendis du côté des houblonnières comme le bruit d'un tambour. « Les voilà !» dit tout près de moi une voix d'enfant. C'était la sœur qui réveillait son petit frère. En un instant, les trois enfants que j'avais vus sur le banc de pierre furent debout, et ils passèrent leurs bras dans l'anse des paniers qu'ils avaient apportés. Sous de grandes feuilles de fougère, on entrevoyait des fraises et des myrtilles. « Tiens, tiens, » me dis-je en continuant ma course, « pas bêtes les enfants. Ils entendent déjà le commerce, ils ont bien pensé qu'il y aura gala aujourd'hui et ils apportent leurs petites marchandises. » Comme j'arrivais à la route, le détachement tournait le coin des houblonnières. Les uns applaudissaient, les autres criaient comme des sourds en levant leurs bonnets et leurs chapeaux. J'ai vu là des figures toutes renversées par l'émotion. Le maître d'école serrait les lèvres, ses narines se gonflaient, il était pâle comme une feuille de papier. Notre digne mère, qui avait préparé un petit discours de sa façon, s'avança pour le réciter. Il ouvrit la bouche et la referma plusieurs fois, comme si sa langue était sèche. Plus de discours, comprenez-vous cela? Il alla droit au lieutenant qui commandait le petit détachement. Il lui prit la main gauche dans les deux siennes, et l'attirant à lui, il se mit à l'embrasser comme si c'était son enfant. Le brave lieutenant, qui n'était plus tout jeune et qui avait une figure douce et grave, se mordait les moustaches parce qu'il était ému lui aussi. Et pendant ce temps-là, le maire, qui avait retrouvé la parole, lui disait « Ah, mon garçon, ah, mon garçon, quel plaisir vrai, c'est un grand bonheur !» Il n'y eut pas d'autre discours et personne ne s'en plaignit. J'aperçus dans la foule mes trois petits marchands de fraises. La fille allait en avant, la tête haute et les yeux fixés sur le lieutenant. Le frère aîné la suivait tout penaud. Le plus petit avait l'air de se faire traîner. Je me dis aussitôt, ils vont se faire écraser, bien sûr. Point du tout. La sœur, avec un regard que je n'oublierai pas de ma vie, sortit de la foule et alla droit au lieutenant et lui tendit un bouquet de fleurs des champs. Il avait son sabre dans la main droite, le maire lui tenait la main gauche. Il fit signe à la petite paysanne qu'il ne pouvait pas prendre son bouquet et il la remercia d'un sourire. « Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de la fille ? Moi, j'avoue que j'aurais été bien embarrassée. » Elle, pas du tout. Elle eut une inspiration. Elle prit de la main droite la lame du sabre par le milieu, tira doucement à elle, fit incliner la pointe et y planta son bouquet aussi tranquillement que si elle n'avait fait que cela toute sa vie. De tous les côtés, on cria « Bravo, voilà une bonne Française !» Mais attendez un peu la fin. Au moment de lâcher la lame, elle se ravise, devient toute pâle, comme si elle allait se trouver mal, allonge le cou et pose ses deux lèvres sur l'acier étincelant. En voyant cela, tous ceux qui étaient présents sentirent comme un frisson, et tout le monde à la fois eut la même idée. Ce baiser déposé sur ce sabre, c'est aussi clair que si cette brave enfant avait dit « Vous avez été vaincu sans honte, nous vous honorons pour vos défaites mêmes et nous comptons sur vous. » Oui, c'était aussi clair que je le dis. Mais son émotion et son geste rapide firent bien plus d'effet que toutes les paroles du monde. Ensuite, elle se tourna du côté de ses frères et leur fit un signe. Ayant repris un peu d'assurance, ils tendirent leurs paniers aux soldats après avoir ôté les feuilles de fougère qui couvraient les fraises et les myrtilles. Les soldats, que tout le monde fêtait et qui ne savaient auquel entendre, ne firent pas d'abord grande attention aux paniers. Les deux garçons, se voyant mis de côté, avaient bonne envie de pleurer. La sœur alors leva un des paniers, et tout en marchant au pas des soldats, elle le tendait dans les rangs. « Où veux-tu que nous mettions ça ? » dit un jeune sergent. « Mangez à même le panier, je vous en prie, » dit-elle. Le sergent prit quelques fraises et les mangea. Comme il faisait le geste de mettre la main à sa poche pour y chercher quelques pièces de monnaie, elle lui arrêta vivement le bras. « Non, non, » dit-elle, « c'est pour rien. Nous les avons cueillis pour vous les donner. Nous avons fait 4 lieues pour vous les offrir. Vous savez comme les soldats sont bons garçons. » En entendant ce que disait la fille, ils mirent les paniers au pillage, rien que pour lui faire plaisir. Car un soldat qui a fait son étape et qui, par les portes ouvertes, voit que la nappe est mise en son honneur, se moque pas mal au fond d'une poignée de fraises. On dit même que les fraises coupent l'appétit. Mais, encore une fois, ils sont bons garçons et savent comment il faut répondre à une politesse. Alors je pris à part la petite paysanne et je lui dis « Viens avec tes frères. » Elle me regarda et vit sans doute qu'elle avait affaire à un brave homme, car elle ne fit point de façon et leur dit de venir. Je les emmenai tous les trois dans ma bicoque et ils eurent l'honneur de déjeuner avec monsieur le maire et monsieur le lieutenant. Je ne parle pas de moi par modestie. Ces enfants nous contèrent leur histoire qui était touchante. Leur père avait été forestier. Dès le début de la guerre, il avait rendu de grands services comme messager. Puis il était entré dans le service actif et avait été tué à Sedan. Après le grand malheur là-bas, vous savez, à Sedan, nous dit la fillette, il est venu à la maison un brave homme du pays qui avait conduit des chariots de ce côté-là. Il prit la main de ma mère et lui dit « Femme, il faut que tu aies aujourd'hui du courage et que tu songes à tes enfants. Ton mari a été blessé dans la grande bagarre. Il est mort comme un brave. J'étais à côté de lui à ses derniers moments. Il t'envoie toute son amitié et sa bénédiction aux enfants. Il recommande qu'ils soient honnêtes comme leur père et leur mère et surtout bons français. » Ma mère répondit sans pleurer « Je vous remercie de ce que vous me dites et je suis fâchée de ne pas le faire mieux. Mais les paroles me manquent pour le moment. Voyez-vous, Ritter, je voudrais être seule. » Ritter s'en alla, notre mère se tourna du côté du mur et nous nous mîmes tous à pleurer. Plus tard, quand on commença à dire dans le pays que les traités avaient été mis par écrit, et que les gens de chez nous ne seraient plus français, ma mère haussa les épaules et dit « Nous serons français tout de même, tant il nous faudrait pour cela quitter le pays et aller en Amérique, où nous avons des cousins de votre père. Ils nous apprendront toujours bien comment on gagne sa vie là-bas. Je ne leur demande pas autre chose. » Mais leur mère était morte à son tour. Les pauvres enfants étaient sous la tutelle d'un de leurs oncles qui avait du bien dans le pays. Ce n'était pas un méchant homme que cet oncle, mais il aimait trop son argent et ses terres. Cela ne lui faisait rien de n'être plus français, et il ne comprenait rien au chagrin de ses pupilles. « Tant que votre pays a été occupé comme le nôtre, » reprit la jeune fille, « nous espérions toujours qu'il se passerait quelque chose, » que nous serions délivrés ensemble. Maintenant, tout est fini pour nous. Voilà qu'on défend d'enseigner le français dans les écoles. On regarde de travers ceux qui le parlent. C'est trop, vraiment, c'est trop. » Plus tard, ces deux-là, et elle désignait ses deux frères, seraient obligés de se mettre sur la tête « Vous savez ce que je veux dire ?» Et elle dessinait en l'air d'un geste, au-dessus de la tête de l'aîné, l'image d'un casque à pointe. Nous étions ce matin à la frontière quand ils l'ont franchie. Leur musique jouait et ils chantaient. Mon cœur se fendait. C'est là que l'idée m'est venue d'en finir. Vous êtes délivrés, vous vous réjouissez, c'est tout naturel, mais nous, Voici ce que je me suis dit. Puisque nous allons en France pour voir des soldats de notre vrai pays et pour entendre parler français, nous consulterons quelqu'un d'honnête et d'entendu pour savoir ce que nous devons faire. « Voyez-vous ça ? » dit le brave maire tout ému. « Dis-nous ton affaire, ma bonne fille. » Elle continua. « Est-ce bien loin, le Havre ? Car je sais que c'est là qu'on s'embarque. Nous n'oserions pas rester en France, parce que notre oncle aurait peut-être le droit de nous réclamer. Tandis qu'une fois là-bas, nous avons un peu d'argent qui est bien à nous et qui peut nous mener jusque-là. Que nous conseillez-vous de faire ? Vous ne pouvez pas, lui dis-je, vous embarquer pour l'Amérique sans savoir qui vous y trouverez, ni même si vous y trouverez quelqu'un de votre famille. D'ailleurs, vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'avez aucune expérience du monde, ce serait une entreprise folle. Il faut retourner chez votre oncle. Mais la conscription, vous avez le temps d'y songer et de grandir, c'est en ami que je vous parle. Il faut attendre. C'est cela, dit notre brave mère. Ne brusquez rien, ne faites pas d'escapade. Qui sait ce qui peut arriver? Oui, il faut attendre. Elle fronçait les sourcils et ne semblait pas contente de notre conseil. Cependant, elle hésitait. Alors, elle se tourna avec une naïve confiance vers le lieutenant qui sourit de son grave et doux sourire et lui dit « Le conseil est bon, mon enfant. Il faut compter sur l'avenir. Il faut attendre. » « Nous attendrons, » dit-elle en se levant. Et les trois enfants reprirent lentement le chemin de la nouvelle frontière.